Thank you. vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ce sont ces quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Thank you.